Piste 42. Lexique. Exercice 5. 1. J'aime la musique électronique. Et toi, Anne ? Pas moi. J'aime la musique hip-hop. 2. J'adore cette exposition. Et toi, Marc ? Pas moi. Je déteste. 3. On va faire du shopping, Julie ? Oh non, je déteste ça. Je préfère les balades. 4. Les filles, on va au cinéma ? Super ! À quelle heure on part ? 5. Pierre, tu aimes le bricolage ? Un peu, mais je préfère le jardinage. 6. Monsieur Legrand, vous aimez le sport ? Oui, beaucoup. Je fais de la natation et je joue au tennis.